Jioni ya leo ninasalimia batakatifu bote mujina la Yesu Kristo. Nous saluons tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Tuko na furaha sana kwa kuweza kupatikana katika uwepo wa Mungu. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Wiske David kona sema niko nashikia furaha kama wananiambia sema twende kwa nyumba ya Mungu. Parce que David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Kama saa ya kuabudu Mungu inenea, uko nashikia furaha mumoyo wako, uko mtu wa heri sana. Si tu es content lorsque l'heure d'aller à l'église arrive, comme tu es un homme heureux, Mungu, kuzunika, au moment, yake, kuko kitu kimoya kitembe mzuri maisha au moment d'adorer Dieu, si toi tu es triste, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que ce rassemblement, c'est un rassemblement de promesses. N'est-ce pas, Jésus a dit, là où deux ou trois personnes se réuniront en mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Et c'est la vérité. Il y a plusieurs rassemblements dans le monde. Mais depuis qu'ils ont commencé à se réunir, il y a etc. des conférences, il y a Fatana, ça, il y a des dialogues et plusieurs autres choses. Mais depuis qu'ils ont commencé leur dialogue, les choses ne sont toujours pas correctes. Mais ces rassemblements, lorsque nous venons, notre vie est en train de tailler. C'est pourquoi nous sommes un peuple béni. Pour honorer la parole de Dieu, j'invite l'Église de Dieu de nous lever pour lire notre chrétien. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Yesu wakati alifika mulomu Césarée, muja Philippe, akauliza mitume yake, banasema koniko ni nani, ni mwana wa mtu. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, okay. Les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Wakamujibu wakusema, wengine kunasema uko Yohani Mbatizayo, wengine wakusema uko Elia, wengine wakusema uko Yeremia, wengine wakusema uko mmoja wa nabi. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Akawaliza sasa, mwei sasa, munasema niko nani? Simon Pierre répondu, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Simoni Petro wakajibu, uko Kristu, mwana wa Mungu mwenye kuwa hai. Jésus prenant la parole lui dit, Yesu alibata neno. Simon fils de Jonas. Nakwambia kwamba ukuaheri Simoni mwana wa Yonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Kwani aina mwili na damu kufunulia hili. Mais c'est mon père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu mwenye kwa mbingu. Et moi je te dis que tu es Pierre. Na mimi naomba sema upetu. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Na yulu ai mwamba mitajenga kanisa langu. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Na hata milango ya pale ya bafu haitatawala yulu yake. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Takupatia fungu la ufalme mbingu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Kile utafunga pa dunia kitafungwa mbingu. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Na kile utafunga pa dunia kitafunguliwa mbingu. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Akaamuru wa mitume washikaseme na kusema alikuwa Kristo. Tutainamisha vichwa. Inclinons nos têtes. Mungu Baba wa kumbingu. Dieu notre Père céleste. Katika jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Tunasema asante sana. Nous te disons merci. Asante Bwana. Merci Père. Kwa kutubalula katikati ya bantu bashi. De nous avoir compté parmi les vivants. Aujourd'hui, il y a les autres qui sont enregistrés comme les défunts. Beko mumachumba ya bafu. Ils sont dans des morgues. Lakini kama shetu tunapatikana kona bushima. Mais si nous sommes encore en vie. Na afya tunakuja mpresence yako. En bonne santé jusqu'à venir même dans ta présence. Unatufanishia. C'est une grâce que tu nous as accordée. Jina lako lipewe sifa. Que ton nom soit loué. Shimana utukufu tunakurudishia Bwana. Retourne à toi. Nous venons de lire ces paroles parce que nous avons étudié. Mais le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est celui que nous avons besoin, qui descend au milieu de nous et nous enseigne tes paroles. Bénis chaque frère et chaque sœur. Là, on a lié nos mains. Ils ont fermé leur maison pour venir écouter ta parole. Ils n'ont pas voulu voir un homme. Mais c'est toi qui sont le suivre. Dans l'homme, il n'y a rien de spécial. Mais en toi, il y a la vie éternelle. Merci, Père bien-aimé. Bariki Badayetu. Bénis nos sœurs. Adimoiso, Adimuisho. Bénis notre équipe de vie. Nous prions tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bwana Mungu abariki usomi ya neno yake. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tuko na sujet yetu tuko naona imashiku. Trois sujets que nous voyons pendant ces jours. Si cette pierre je bâtirai mon église. Ya kwamba yule aimwamba tajenga kanisa langu. Ni yeye anasema c'est moi qui bâtirai, je bâtirai. C'est lui-même qui a dit tajenga. Puisque je c'est un pronom personnel. Sababu ni kupeke nje commence à dire. Mtamko yeye mwenyewe anasema c'est moi qui va bâtir l'église. Mi tajenga mi mwenye kanisa langu. Nous avions dit l'église n'appartient pas à un individu. Nous avons dit l'église n'appartient pas à un bishop, ne revient pas à un bishop. L'église, c'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas les hommes des gens. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Mubatoto ya Mungu. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire, comme nous avons dit hier, c'est ma mini kanisa yang. Timothée, on lui a écrit. Nous avons lu avec vous ensemble hier. Timothée, chapitre 3, verset 14. Je t'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Afin que tu saches si je tarde. Kama mina kawia upate kujua. Comment se conduit. Ni namna kani utajongoza. Ndani ya nyumba ya Mungu. Qui est l'église du Dieu vivant. Yeye kwa Mungu mwenye kwa hai. La colonne est l'appui de la vérité. Nategemea ukweli. Unapasha kujua namna ya kujiongoza mkanisa ya Mungu. Savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Nous les serviteurs. Attache venir matumishi. Nous devons savoir comment se comporter. Unapasha kujua ni namna kani unapasha kutwala munyumba ya Mungu mwenye kwa hai. Mali ya Mungu. Que c'est un bien privé, ce n'est pas la propriété privée des noms. Lui-même l'a dit, j'ai bâtiré. Sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. Mwamba, ta jenga kanisala. Mais sur pierre. Yesu eko na yenda kanisa yake. Jésus bâtit son église. Sur la révélation de la parole. Miulu ya ufunu aneno lake. Ya ufunulo. Sur la révélation. Moi, je bâtirai mon église. La révélation de la parole. C'est quelque chose de spécial. Moi qui a opéqué. Dans Psaume 119. Zaburi 119. Écoutez ce que dit la Bible. Verset 30, 30, 131. 119. Zaburi 119. Verset 131. Mustariaki 119. La révélation de ta parole est claire. Ufunuo yanenu lako ikunangaza. Elle donne l'intelligence au simple. Na inekala kupatia akili kubenye kujenyekeza. Amen. Amen. Ufunuo ya neno ya Mungu iko tu ya chini na iko naangazia watu. Elle est humble, elle éclaire les gens. Sont clairs, ils croisent. Quasi. C'est pourquoi si Mungu arisha kutufanishi ya konema. Nous, Dieu nous a déjà fait grâce. Kuyu watile neno ya Mungu iko mwikizazi. La parole de Dieu dans cette grâce. Ni neema. Aina wote baripewa neema. Les dons n'a pas été donné à monde dans notre âge. Mais moye. Mungu taifa ya heri sana. Un peuple heureux. Mwikizazi. Mungu alimpatia ufunuo. Dieu vous a donné la révélation. Neno ya Mungu frère. La parole de Dieu. Le message. Ujumbe ya wakati. Ni masomo inapita na université ya kwa États-Unis d'Amérique. C'est vraiment l'école qui dépasse même l'université aux États-Unis d'Amérique. Il te l'ambia ni ukweli. Message ata ukufunda ke masomo. Même si tu n'avais pas fait des études. Ata ukuyuake kuandika A et I. Même si tu ne connaissais pas écrit A. Neno ya Mungu. La parole de Dieu. Weye iko na kusaidia moyote. Ça va t'aider dans toutes choses. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. Et cela fait ce qu'un insensé devient un sage. Un homme qui n'avait pas fait des études, il paraît comme un intellectuel. C'est pourquoi il est sage. Oui, ces messages, lorsque vous l'abandonnez, tu n'as pas compris le plan de Dieu. Vraiment une haute école qui dépasse tout, dans le monde entier. Toutes les universités, Mudulia Mujima. Merci, en tout cas, Seigneur, il faut y avoir tout bizarre. À nous, Dieu a fait des bonnes choses. Moi, Dinga Léo. Nous qui étions les insensés, et aujourd'hui, nous pouvons paraître à cause de la révélation de ce message. Ma soeur, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par votre vouloir. Il faut tout le monde. Oui, c'est que nous voulons dire la vérité. Il te amène au quoi? Que Dieu nous aide. L'église, c'est l'église de Dieu. Kanisa ni amu. Moi-même, j'ai bâti mon église. Tajenga mwenye kanisa yangu. Mirisema jana. Et hier, j'avais dit. Que mon kanisa ya Mungu. Dans l'église de Dieu. Au mukazi ya Mungu. Ou dans l'œuvre de Dieu. Mungu ari associé na bantu. Dieu a associé les hommes. Comme les serviteurs de Dieu qui sont ici. Ça watumishi wale kwa hapa. Amen. Amen. Comme le berger ils sont là c'est Dieu qui les a associés à son œuvre. Cela veut dire et ils sont serviteurs à Tamimou, Nabo, Chibote, Tukotou, Bafanyakaz, Baboule, Monyekaz, Monyekanisa, Nibwana Yesu. Alléluia. Amen. Mais Mungu arrive associé. Mais Dieu les a associés à son œuvre. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu a placé les hommes. Amen. Amen. Lisez d'abord 1 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto apiri verset 1. Musare ya kwanza. Tout endelea. C'est ma pana frère. Il a dit seulement que l'église appartient à Dieu. Oui. Mais l'église appartient pas à un homme. Mais Dieu a associé encore des hommes afin de travailler avec. C'est pourquoi vous vous attendrez à ce ne vous attendez pas que Dieu descendra au-dessus de ce temple et le Saint-Esprit viendra et viendra nous enseigner. Ah, et ça va se mettre au-dessus de cet édifice. Pour prêcher le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit travaille à travers les hommes. Oui. Est-ce que tu ne pas moi? On est ensemble. Oui, est-ce que verset 1, chapitre 6, 2e Corinthiens. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu ne m'ionya, mushpoke inema Mungu kwa bure. Voilà, na sema tu kotuna tumika pamoja na Mungu. Nous travaillons avec Dieu. C'est pourquoi tu n'as mis si sana. Nous vous insistons. Mushpoke inema ya Mungu bure. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Mais l'église. Kanisa. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa. Comment tu n'as somme en jiko ingine? Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Wa Korinto wa kwanza 3 mstari wa 9. Tutaanzia hata mu verset 7. Nous pouvons commencer à partir du verset 7. Mushikeni le Paul qu'on a sema. Écoutez d'abord ce que Paul dit. Mu tuanzia hata mu verset 4. Il est quand lundi moi je suis de Paul. Wakati mmoja anasema mimi ni kwa Paulo. Et l'autre moi d'Apollo. Na mwingine anasema mimi ni kwa Apollo. Pas des hommes. Et amna tu batu. Qu'est-ce que donc Apollo? Sasa Apollo ni nani? Et qu'est-ce que Paul? Paulo ni nani? Des serviteurs. Ba fanya kazi. Par les moyens desquels vous avez réussi. Bale kupitia bo mjo mlipokea. Selon le Seigneur a donné à chacun. Kufuatana na vile Mungu alipatia kwa kila mmoja wao. Asante. Mitapanda. J'ai planté. Mimilipanda. Apollos a arrosé. Apollos a raccoué mais Dieu a fait croître. Mais qui ni Mungu jua rekomelesha. Ce n'est pas celui qui plante. Kusudi anasema ina ule na panda. Qui est quelque chose. Anasema na kwa kitu fulani. Celui qui arrose. Wala ule alimimia maji. Mais Dieu qui fait croître. Mais qui ni Mungu ule rekomelesha. Celui qui plante. Ule na panda. Et celui qui arrose. Na ule anakuwa mimia maji. Sont égaux. Bote beku tupa moja. Chacun recevra sa propre récompense. Atapokea tu malipo yake. Selon son propre travail. Kufuatana na kazi alifanya. Amen. Amen. Anasema, Paul anasema, c'est lui l'apôtre des nations. Yenjo mtume wa hukuma taifa. Hakuna mhubiri alihubiri sawa Paul. Il y a pas un prédicateur qui a Paul. Paul, il est un prophète du Nouveau Testament. Paul, ni nabii wa mwagano jipya. Jo ule kona tuonesha. C'est lui qui nous exhorte maintenant de dire Paulo ni nani? Paul, il est qui? Apollos ni nani? Apollos, il est qui? Asema wote ni batumishi ya Mungu. Tous ce sont des serviteurs de Dieu. Unaona mule Mungu. D'une manière. Eko na batumikia na mwemu nani? Dieu les a utilisés pour le Seigneur l'a donné à chaque. Vous pouvez dire, moi je suis le tel. Dans l'église, moi je préfère la prédication de tel. Ou lorsque tel est en train de prêcher. Tu n'as pas compris les choses de Dieu. Nous ne sommes pas des fanatiques. Tout celui que Dieu va susciter pour prêcher la parole de Dieu, lorsque il prêche la parole de Dieu, nous devons rester tous ensemble derrière la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi je préfère tel. Moi je préfère tel. Tu n'as pas compris les choses. Nous, c'est lui que nous aimons. C'est le Seigneur Jésus. Et ses serviteurs que lui utilise dans cette génération. Des vrais serviteurs. Amen. Amen. Et je sais que vous avez de meilleurs serviteurs de Dieu. Des bons serviteurs de Dieu qui vous annoncent la parole. Ce n'est pas les interprétations. Oui, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse richement. Avançons. Ah, j'ai planté Apollos à la losée. Mimi Lipand, Apollos à la mangue. Dieu a fait croître. Mais Frère Joseph a naoubiri. Frère Joseph a prêché. Mungu ana maana mimi hapo mai. Dieu a arrosé. Mungu a arrosé. Mungu mwingine anashimama na ubiri. Il y a notre serviteur qui se tient aussi. Mungu jua kona kuepo na faire croître. Et qu'on a fanya biko ukome. Mungu ana ubiri. C'est lui qui prêche. Kaji ya Mungu tuko na dit. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de nous compléter. Il n'y a pas un serviteur plus supérieur ou inférieur. Nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais chacun de nous a sa capacité que Dieu lui a donnée. Alléluia. Mister Obiri sa frère José. Je ne prêcherai jamais comme frère José. Ou mon frère Ngoïda et Pierre. Je ne prêcherai jamais comme frère Moundou. Moi, avec le peu que Dieu m'a donné, je donnerai à la capacité que Dieu m'a donnée. À ceux qui sont de Dieu, ça va les aider. Lorsque quelqu'un dit c'est moi qui suis tel, il n'y a pas un serviteur plus supérieur que les autres. Nous, nous sommes les ouvriers avec et Dieu. Écoutez ce que dit Paul. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Voilà où le Mais la qui ni mungu où le on a commencé. Où le on a pande. Et celui qui arrose. Na où le on a mangé à maille. Chacun recevra sa propre récompense. Qui la mutte d'apokia maripoya. Selon son propre travail. Guadana na ile kazi yemnyo alifanya. Amen. Amen. C'est pourquoi nous dominons mzuri. C'est pourquoi travaillons correctement. Le ciel n'appartient pas seulement ou les autres n'introduisent. Les ciels appartiennent aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau réellement. Est-ce que tu veux pas mourir? On est ensemble. Oui, frère. Dio. Mambo ya zawadi. Ce qui concerne le don. Vous connaissez mon don. Moi, ben, mon ajout, Zawadi. Non, tu as trouvé ces mains grâce parce que tu n'étais pas allé au ciel pour demander ces dons. Ni quoi, ni tu as voulu. Si tu as été appelé et on t'appelle serviteur de Dieu. Tu ne peux pas, en tout cas, c'est glorifié. Ah ouais, quoi, Zawadi. L'homme que nous devons glorifier. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça, avançons. Verset justice. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Kwani tu bafanya kazi pamoja na Mungu. Vous êtes les champs de Dieu. Mwenye ni mashamba ya Mungu. L'édifice de Dieu. Majengo ya Mungu. Mwenye muko mashamba ya Mungu. Vous êtes les champs de Dieu. Na majengo ya Mungu. Et l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Na Mungu ashikalake muika nisa hii tabernacle. Et Dieu n'est pas dans cet édifice. Iki turienga. Ça nous avons construit. C'est quelque chose que nous avons construit de nous-mêmes. Amen. Qui tout ça dit. Pour nous aider. Tu ya ku diabrité seulement. À cause des intempéries. Amen. Vula inakuya. Lorsque la pluie arrive. Wala yu wa mkali. Il y a le soleil. Tunakuya pa. Nous sommes dans l'ombre. Mais Dieu n'est pas dans cet édifice. Ah, même peu importe comment nous pouvons embellir, ce n'est pas le bâtiment que vous avez construit. Même si vous construisez n'importe comment, Dieu n'habitera jamais ici. L'édifice de Dieu, c'est toi et moi. Amen. C'est la vérité. Dieu veut habiter en vous. C'est toi le temple de Dieu. Et il dit, vous êtes les champs de Dieu. Et l'édifice de Dieu. Cela veut dire dans le champ de Dieu. Là où on est en train de semer ou planter la parole de Dieu. C'est pourquoi tu n'as tu vois, nous vous disons l'église. Ce n'est pas un bien privé des noms. L'église, c'est une propriété de Dieu. Mais dans l'église, Dieu a établi ses serviteurs. Il a établi des pasteurs. C'est pourquoi hier j'avais dit dans l'église de Kambo, il y a des serviteurs de berger. Et le serviteur local, Mouduni Amujima, il n'y a jamais eu un chef. Amen. Amen. Si toi, tu penses que tel, il est chef par rapport à mon pasteur, tu n'as pas encore compris. Personne dans le monde entier est supérieur au pasteur local. Il n'y a que le Dieu du ciel qui est au-dessus du pasteur local. Après les serviteurs, le pasteur local, c'est le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur local. Selon la conduite Kufuatana du Saint-Esprit, nous parlons chez tout Nachana. Et c'est pourquoi c'est là que nous sommes différents des autres églises. La Bible dit que nous sommes un peuple à part. Comment la Bible dit que nous sommes un peuple à part. Même notre langage, même notre vie. C'est pourquoi Jana Miri Missomé. Hier, je vous avais lu. Dans 1er Pierre, la Bible dit que l'honneur est pour vous qui croyez. Et Jima Nikwa Mwe. Si nous continuons avec la lecture, retournons d'abord à nos deux écritures d'hier. Dans 1er Pierre, Petro Wakwanza, nous allons continuer. Nous allons lire le frère Branham à ce qui concerne l'église. L'église de Dieu. Kanisa amu. Que tu es aussi associé ses serviteurs. Ce sont ces gens-là qu'il utilise dans l'église. Lorsqu'un serviteur de Dieu vient et il commence à prêcher la parole de Dieu, ne voyez pas un homme. Voyez Dieu à travers cet homme qui prêche. Dieu ne viendra pas comme ça suspendu dans l'heure pour prêcher. Mais il utilise toujours les hommes. L'église de Kambo, Kanisa Kambo, c'est l'église de Dieu. Kanisa Amu. Les hommes appelés à sortir. Mis à part. Leur vie est vraiment différente de tout le monde. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules. Pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait. Ce qui bâtissait est devenu la principale des langues. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Une pierre pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils ont destiné. Et Jésus-Christ lui-même. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. Les autres ne croiront jamais en lui. Verset 9. Vous, au contraire, moi, quoi qu'il y ait, vous êtes venus renseignés. Amen. Amen. Amen. Asema muko kizazi kienye kuchakuliwa na Mungu. Une race élue. Aina mwaye muri mchakula Mungu. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Aina mwaye muri mutafuta Mungu. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. Aina mwaye muri mupendaka Mungu. Ce n'est pas nous qui avions aimé Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. Mungu anamchakula. Et Dieu nous a élus. Mungu anamita kunelo yake. Et Dieu nous a appelés à sa parole. Amen. Amen. Bantu benye kuchakuliwa. Les hommes élus. Un sacerdoce royal. Kikoani, kakifan, une nation sainte. Taifa takatifu. Asemamuko taifa takatifu. Un peuple haki. Watu wenye kununuliwa. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Kusudi mupate kutangaza mautawa ya ule mwenye alimita. De ténèbre à son admirable lumière. Kutoka magiza kwenda kunuru yake ya kushangaisha. Un peuple appelé. Taifa yenye kuitwa, watu yenye kuitwa. Kusudi mupate kutangaza. Bantu benye kuitwa. Le peuple appelé. Benye kuwekwa pembeni. Mis à part. Milisema. Et j'avais dit. Chie atuna ba politiciens. Nous ne sommes pas bafanya siasa. Atuna bantu ba mukikabila. Nous ne sommes pas des tribalistes. Tuko taifa ingine. Nous sommes un peuple tuko natangaza. Et nous annonçons les oracles de Dieu. Chie tuko natembea ngambo ingine. Nous marchons de l'autre côté. Siasa nayo iko ngambo ingine. Et la politique de l'autre côté. Chikabila na chio chiko ngambo ingine. Le tribalisme de l'autre côté. Puisque chie tuko taifa ya Mungu. Que nous, nous sommes le peuple de Dieu. La Bible dit que une nation Taifa takatifu. Amen. Amen. Taifa takatifu. Une nation sainte. Nous devons marcher dans la sainteté. Na turapasha kutembea katika utakatifu. Maisha yetu frère. Notre vie nduku. Inapasha kumuonesha Yesu Kristo. Doit montrer ou manifester le Seigneur Jésus. Marchons comme les enfants de Dieu. Un chrétien. Hier, j'avais dit, ce sont des responsabilités être un chrétien. Et vous prenez vraiment une grande responsabilité. Et nous ne devons pas marcher à Isouna Natal. Même notre attitrement, même notre façon de parler, même notre vie. Amen. Amen. Taifa ya kikuani. Mais niko na shanga sana. Je m'étonne. Makuani njue kona ombea bantu. Me leo mukanisa, muko na bantu weko naenda kubalombi. Mais il y a des gens qui fréquentent même dans des groupes de prière. Vous êtes une race royale. Vous laissez le Dieu vivant ici. Vous laissez les gens qui vont prier pour vous pour aller dans des groupes de prière. Oui, alors il y a l'habitude à mou. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne peux pas mourir? On est ensemble. Tu as laissé la parole de Dieu ici. Tu laisses les serviteurs de Dieu ici. Les hommes pour aller chercher dans le groupe de prière. Vous voyez, les diables, il est tellement risé. Regardez quand quelqu'un des fonds de teint ou la poudre, tout le monde découvre que c'est un des vins. Il est entré seulement dans la Bible. C'est là. Il y a maintenant des gens qui prient. Vous arrivez là-bas. Vous dites que montrez-moi un peu mon avenir ou ma vie. Et tu arrives là-bas, c'est lui qui t'a ensorcelé, c'est ton père. C'est écrit où? Toi, un peuple mis à part. Cela veut dire toi tu n'as pas encore quitté. Tu n'es pas encore l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce sont les hommes que Dieu a appelés. Et sortent. Et ils sont déjà sortis dans leurs coutumes, dans des habitudes. Amen. Amen. Tu poses même la question que ces frères, je ne connais pas. Il est de quelle tribu? Montre-moi, il est de quelle tribu? Même si on te disait qu'il est de telle tribu, ça va t'apporter quoi? Même si je ne connais pas de tribu. C'est que je sais, à travers le sang de Jésus, nous sommes devenus un peuple de Dieu. Tout Kanisa Mungu, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Le frère qui est en train de prêcher là, il est de quelle tribu? On dit il est de telle tribu. Bon frère, ça va. Nuku, mzuri, mzuri. Maintenant, même si tu connaissais ma tribu, ça va t'apporter quoi? Nous n'avons pas besoin de connaître les tribus des gens, mais nous avons besoin de connaître le Seigneur Jésus. Et hier, je vous avais dit, il n'y a jamais eu une tribu plus spéciale, plus que les tribus de Jésus, plus que l'autre. La meilleure tribu qui surpasse toutes les tribus, c'est la tribu des enfants de Dieu nés de nouveau. Et ils n'ont pas de tribalisme. Que Dieu bénisse. Dans ma vie, je n'oublierai jamais la vie. La vie de Dieu dans les enfants de Dieu existe vraiment, et les enfants, les serviteurs de Dieu véritables sont là. Et ils utilisent des écritures. Que Dieu bénisse. Je vais vous témoigner quelque chose. On m'avait arrêté une fois ici à Kambov. Ici, le serviteur de Dieu. C'était 2000, si c'est 2022, c'est 2000 combien? Quoi quand même 2022, là, au parquet, oui. Arrivé là, on me pose la question, pasteur. Qui es-tu? J'ai dit, je suis pasteur. Ça va. De Mouzou. Moi, je suis là à côté. Le petit qu'on mettait, un garçon qui était là-bas, c'est G, il m'a dit, asseyez-vous là-bas. Je lui ai dit, à mon âge ici, que j'aille m'asseoir là-bas. Elle dit, papa, venez vous asseoir ici. Nous avons passé une nuit là-bas. Lendemain, il y a un jeune qui avait quitté aussi Kapolo. Il a dit, pasteur, je sais. Si vos pasteurs, vos collègues apprennent ça, toi, tu ne vas pas rester ici. Je sais, votre église, vous avez la parole, vous avez la vérité, vous avez l'amour. Et c'est vrai, c'est que je vous dis. Il n'y a jamais une nation qui a Dieu comme vous ici. C'est moi ici à Kambou. Après un temps, le pasteur Pierre est venu, et frère et moi. Et tous ces gens qui étaient là-bas, ils ont dit, qu'est-ce que nous avions dit? Ils ont dit, lorsque ses frères apprennent, ils vont... Ils vont venir. C'est dans cet assis à l'église, ça tient sur la parole de Dieu, c'est vous. Si les païens témoignent, c'est là. Ils sont en train de témoigner. Nous devons persévérer en gardant la parole de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. Mungu atetubariki. Alors, je me suis rappelé de ce que Jésus avait dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Pierre a posé la question, Seigneur, nous avons tout abandonné. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner par après? Jésus lui a répondu, tout d'abord, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai des frères, je vous donnerai des sœurs, je vous donnerai des mères, je vous donnerai même le parent et au centuple. Et après, je vous donnerai la vie éternelle. Et cela est valable jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, je me suis rappelé qu'à Kambov, j'ai une grande famille. Il faut louer le Seigneur. À la quoi il est toi parce que c'est pour Mungu Nduku. C'est vrai. La parole de Dieu ne tombera jamais. Partout où nous marcherons, les enfants de Dieu existent. L'église de Kambo, les serviteurs de Dieu, ils sont venus à la prison. Sont venus me visiter. Solution et on a trouvé même la solution. Et j'étais sorti de là. À cause de ça, je n'oublierai jamais. Gardons la parole de Dieu. L'église, Kanisa. Ce sont les peuples appelés à sortir. Niba, tu bas les mungualita kutoka. Tous sont même bel message. Disons d'abord le message. Je vais les frères Bananam et Gonassem. Écoutons ce que frère Bananam. Message, les cinq identifications. Vitambuli Shotan. Paragraphe 13, page 3. Les mots église dans chacun de ces sujets que j'ai choisi ce soir. Pour essayer de vous en parler. Certains d'entre eux sont qu'est-ce que l'église? L'église c'est quoi? Qu'est-ce qui l'a fondée? Quels sont mes messages? L'église appartient à qui? Qui a fondé l'église? Et c'est quel message? Comment devenons-nous membres? Comment devenons-nous membres? Et pouvons-nous aller au ciel? Sans en être membre? Bila kuwa memba? Chacun de ceux qui j'ai prendrait des temps. Kila moja ishi na taiba wakati. Non, prendrait 2 heures. Taiba mamasa. Il fallait les étudier. Kama fazali kuifunza. Profondément. Katika upana. Mais j'ai touché quelques points fondamentaux pour montrer qu'est-ce que la vraie église. Lakini napenda kubeba kumisemo mwa msingi njua kumionesha kanisa ni nini ya kweli. Kanisa ya kweli ni nini? Et maintenant, je désire que vous preniez vos Bibles. Minapenda mchukua Biblia yenu. Amen. Ah. Minapenda sasa. J'aimerais sana. Que nous puissions vraiment parler profondément sur le fondement véritable. Parlons pour montrer qu'est-ce que la vraie église. Kanisa kweli ni nini. Maintenant, pour commencer, le mot église tamko kanisa lui-même signifie les appeler à sortir. Manake benye kuitwa kutoka. Bantu banaitwa kutoka. Les hommes appelés à sortir. Dans des coutumes. Les coutumes des nations, ce sont des vanités. Avec plusieurs autres choses. Ça, ce sont des choses des néants. Ce sont des choses des néants. Bon, écoutez. Maintenant aussi longtemps, ça, wakati yo, il était en Égypte. Barikuya mlo mistri. Israël n'était pas l'église de Dieu. Israël bado ko kanisa amu. Il était le peuple de Dieu. Barikwa tu batu amungu. Alors, ça, quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, wakati Mungu alatosha mlo mistri. Il devint l'église de Dieu. Pale barikwa sa kanisa amungu. Car il était le peuple à sortir. Sabu kwa taifa kutoka. Appelé à sortir. Yeye kuitwa kutoka. Maintenant c'est encore pareil aujourd'hui. Ni vile vile leo tena. Le mot église. Musemo kanisa signifie les appeler à sortir. Manaki watu wenye kuitwa kutoka. Ceux qui ont été appelés à sortir. Bale waliitwa kutoka. Qui ont été séparés. Walijitenga. Et rendus différents. Na bane bafanya banakuwa benye kuachana. Bana bafanya banakuya na bantu ba kuachana. On les a rendus différents. Ata kusema kwabo. Par leur manière de parler. Leur manière de vivre. Leur accoutrement. Leurs habitudes. Israël, tant qu'il était encore en Égypte, c'était seulement un peuple, le peuple de Dieu. Mais parce qu'il n'avait pas de loi, ils étaient comme les Égyptiens. En train de faire n'importe quoi. Mais ils étaient en train de vivre dans leur pensée. Mouille wakati. Dans ces temps-là, c'est là qu'on avait arrêté même Joseph. Bana mupeleka kwa Potifar. Ils l'ont amené chez Potifar. Kule Potifar. Et là, établi. Potifar lui avait Sawa établi comme surintendant de ces choses, de ces biens. Là, il n'y avait pas de loi. Bibi wa Potifar la femme sana. De Potifar est tombée amoureuse de Joseph. Zamiri yake ilikuwa safi. Parce que sa conscience c'était pire. En disant que tout ce qui est dans ma maison, mon mari Potiphar m'avait dit que je vais terminer tout ça. La toi, je ne peux pas te toucher parce que tu es la femme de lui. Si j'osais faire ça, je vais pécher devant Dieu. Pourtant, il n'y avait même pas la loi. Mais la conscience de Joseph, elle était pure. Amen. Amen. Et la conscience aide les gens. Mais Israël, ça, ça. La qui d'Israël? Que Dieu bénisse. Alors, parle à Naona, c'est ma ouque, na mouna ya kweza kumweza. Lorsque la femme a remarqué que c'était incapable de réussir Joseph, elle a tenté maintenant Joseph. Je vais lire. Genèse 39. Avant de continuer avec notre sujet. Ok. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il a son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qui. Ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'a établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Wakati tu alimweka wa milele akabariki nyumba ule umistri. À cause de Joseph. Kwajili ya Yusufu. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Na baraka wa milele ilikuwa pabile biote bilikuwa bia Potiphar. Soit dans la maison. Wala munyumba. Soit au champ. Wala umashamba. Alors, verset 7. Mustaraki ya saba. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph. Kisha bibi biote bibi wa mwalimu yake akamtazama Yusufu akampenda. Couche avec moi. Na akamwambia unalala na mimi. Refusa, il dit à la femme de son maître. Akatala mwambia bibi wa mwalimu yake. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Tazama mwalimu asijue kitu hata kimoja nyumba. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Na aliniweka saa mwangali sio bile biote kwa biaki wala mali yake. Plus grand que moi dans cette maison. Na ki hakuna mkubwa kushindia mtu mwingine. Marie interdit excepté toi. Ashikuni katere kitu hata kimoya kuongoza kutosha kwa mpaka wewe. Parce que tu es sa femme. Sababu wewe uko bibi yake. Comment ferais-je? Un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Nana kani na kufanya imbubaya bwa hivi bunene na kutenda dhambi kwa Mungu wangu. Zamiri yake ilikuwa safi kwa kuwe sheria. Là, il y avait pas de loi, mais c'est juste sa conscience qui était pire. Pendant que Joseph était encore en Égypte. Tant que baba yake na bantu yake bote bari kuya mule. Tant que son père et ses frères sont venus là-bas. Mushke musaki akou. Qu'elle parla tous les jours à Joseph, il lui refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Atavile anza kumsema kila siku lakini Joseph akakatala kulala naye na kwenda pembeni yake. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Na siku moja Yusufu akaingia nyumba ya kazi yake na ndani ya nyumba mko mtu mwingine akufanya kazi. Il le saisit par son vêtement disant couche avec moi. Unaamuke akamshika manguo na kumkaisha sema ulale na mimi. Et lui laissant son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Yusufu akamwachia mavazi na akakimbia nje. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Wakati ule mwanamke akaona kusema amwachia vazi anakimbia nje. Il appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, et nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Akalalamika kusema ngari abantu leta mu Ebrania mu nyumba jo kucheza na mie alikuwa jo alala mie na kina alalamika. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Na wakati aliona mimi nalalamika njo anaacha vazi yake na nakimbia nje. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Akachunga ile nguo ile vazi kufika na pale bwana yake alirudia. Alleluia. Pale Joseph eko mu nyumba. Lorsque Joseph était dans la maison. Eko nafanya makazi yake. Et il faisait ses activités. Alors bibi yake bibi wa Potifar. La femme du Potifar. Akamushika. A saisi Joseph. Asema mimi napenda tutembee na wewe. J'aimerais coucher avec toi. Joseph anasema haiwezi. Joseph a dit c'est pratiquement impossible. Amen. C'est pratiquement impossible. Joseph s'est dévêti, il a laissé le vêtement entre les mains de la femme du Potiphar. Et Joseph est allé dehors. Maintenant, elle a eu honte. C'est alors qu'elle a conçu un plan. Elle a dit, comme j'ai ces vêtements, et c'est vraiment une preuve tangible, et il n'y a pas moyen de puisse échapper. Voilà, il appelle maintenant les employés, disant, voilà le vêtement de Joseph, il est venu pour que je couche avec lui, et j'ai refusé, et c'est un mauvais enfant. Elle a parlé, elle a mis ces vêtements-là pour présenter à son mari Potiphar. Et Potiphar s'est irrité d'où. Lorsque tu n'es pas coupable, même si les gens vous accusent, il y a un juge au-dessus de tous les juges du monde. Voilà, Jésus, il doit bien nous couper. Je vous dis, si il y a un juge véritable au tribunal de paix, il n'y a même pas de paix là-bas. Il n'y a même pas la justice. La justice se trouve dans la parole de Dieu. Dans la mungu. C'est que vous aussi la vérité. Tu as prison. Il y a même des innocents en prison. Mais Dieu connaît la kini mungu yejo na jo amia mama. Dieu connaît nos cœurs. Mungu ana mioyo yetu. Ataka madada bana kushitaki. Ma sœur, même si on vous accuse, même si notre kambo vous chante, telle sœur avait fait, vous voyez dans votre cœur, amuna ukumu ataboya, dada nduku, un jour, shikumoya, Mungu atakujustifie. Dieu te justifiera. C'est quand vous dites la vérité. Tu as bien dit bien quoi. Jésus, Dieu, moi, je vois bien quoi. Jésus, c'est lui le vrai juge. Banamu condamné Joseph à nenda ku prison. On a condamné Joseph pour aller en mais prison. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de mal. Moya qui a dû assécher dans la main. Lisez dans 1er Jean. Nous sommes en Yohana chapitre 3. Chapitre 3. Sura qui attaque. Verset 20. Musaya qui a commis. 18-20, mushuke. Munane. Munane. Si votre cœur vous condamne. Il avait dit, comment moyen ne me coupe. Dieu est plus grand que vos cœurs. Mungu kubwa kushindia mioyo yenu. Il connaît toutes les choses. Na anajua vitu vyote. Si votre cœur ne vous condamne pas. Alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Kuna hakikisho mbele ya Mungu. Ça c'est la Bible. Hii ni Biblia. Kama moyo wako. Si votre cœur. Banasema mambo. On dit quelque chose. Mshuhuda wako ni moyo. Et le témoin fidèle c'est ton cœur. Ata una mulanda pasteur. Vous pouvez mentir au pasteur. Frère Joseph, ça moi je ne connais pas. Mais ta conscience te dira que Iburafanya, Rufanya, tu es juste malin ou rusé. C'est la vérité. Il y a bien quoi? Aouta moi échapper mon. Tu ne peux pas échapper Dieu. Et même ta conscience. En ces temps-là, il n'y avait pas de loi. C'est lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et ils sont devenus l'église de Dieu. Maintenant, dans Exode chapitre 17, c'est là que Dieu les a donné maintenant la loi. Si vous avez un problème, entre les Cananéens, les Éviens, etc. Pour qu'il y ait la différence entre les Cananéens, les Éviens et Nawa Bengine Bengine. Amen. Chérie Yamou. La loi de Dieu. C'est là qu'on a écrit maintenant. Mais pour l'église aujourd'hui. La kini kwa kanisa aleo. Nous les peuples. Chie. Appelé. Taifa yekuitwa. Chérie. La loi. Aina tena mon Biblia. N'est plus maintenant dans la Bible. Biblia, pour qu'on nous lise mal la Bible. Maintenant la loi de Dieu mais est dans nos cœurs. Chérie Yamou, il a partagé ça dans les mains. Il a écrit tout ça sous nos cœurs. Et nous marchons avec la loi. C'est une grâce. Il est ninéma. Mais si je voulais commettre quelque chose de mal, et la croix de Dieu va sonner à moi, il dit, Malela, tu n'as pas le droit de faire ça. Dans ma sœur Jeanne, tu ne peux pas faire ça. Tu es peuple de Dieu. Amen. La loi de Dieu est dans nos cœurs. C'est pourquoi ton accueil a un peuple appelé. Je crois maintenant, nous sommes devenus Taïfa Yekuitwa. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Ah, Dieu les fit sortir en Égypte. Mungu alowatosha Misri. Il devint l'église de Dieu. Na wakakuya kanisa. Car ils étaient les appelés à sortir. Sababu alikuwa benyekuitwa kutoka. Maintenant c'est encore pareil aujourd'hui. Ni le mambo vile vile leo. Le mot église. Tamko kanisa. Signifie les appelés à manaki sortir. Manaki benyekuitwa kutoka. Ceux qui ont été appelés à sortir. Wale qui ont été séparés et rendus différents. Les hommes différents. Ils sont déjà sortis. Si tu n'as pas encore quitté, jusqu'à aujourd'hui encore tu es dans la médisance. Aujourd'hui tu es toujours dans la haine. Un grand sorcier, c'est un ennemi. La sorcellerie, nous n'avons pas peur. Et la sorcellerie ne peut rien contre nous. C'est faux, ce sont des mensonges. Mais la plus grande sorcellerie, si vous les avez gens, de la haine contre ton frère, c'est ça la sorcellerie. Bouloji. La sorcellerie. Dieu a béni un frère. Toi, tu commences à dire non, il a fait il a quelque chose. Tu ne te réjouis pas dans la bénédiction de ton frère. Frère Banam dit toujours présent dit rocher. Frère Banam dit si quelqu'un est béni dans l'église. Toute l'église est bénie. Kanisa yote inabarikiwa. Inabarikiwa. Toute l'église a un problème. Tu peux avoir un petit problème, le frère va t'aider. Même si il ne t'a pas aidé, il ne va aider, même frère Malela, c'est bien. C'est un don que Dieu a placé dans l'église. Amen. Amen. Dieu, baraporteur, pas comme Kanisa. Baraporteur. Bakapeleka, toujours dans l'église. Il y a toujours des rapporteurs. Nous avons, ils disent que nous avons déjà quitté, nous sommes des tabernacles. Toi, c'est que tu fréquentes. Je suis de l'église tabernacle. Tu n'es pas un chrétien. Tu es juste un homme du tabernacle. Un chrétien, c'est un homme appelé à sortir. Nous sommes appelés à sortir. Amen. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham. Mambo sasa ya Abraham. Maintenant, c'est ça qui concerne Abraham. Frère Branham, il connaissait ma vie. Je n'ai que peu de minutes. Frère Branham dit ceci. Mambo ya Abraham. Ah, ce qui concerne Abraham. Ok. Anasema Yves, paragraphe 29, page 5. Dieu a un seul moyen pour vous apporter la lumière. Mungu, eu tu nanam na moya, njom nete anuru. Sommes-nous ensemble? C'est lorsque vous êtes prêts à vous séparer de toutes les choses du monde. Ni wakati ile unakuwa tayari ya kuachana na vitu vyote vya dunia. De toutes les soucis du monde. Mangaiko yote ya dunia. Et à ne vous attacher quand à la parole promise de Dieu. Na kwenda kuambatana pa kuneno ile Mungu agilaka. Kuachana na bintu biote vya dunia. Se séparer de tout ça. Sasa kuambatana na neno ya Mungu. Et aller s'attacher maintenant à la parole de Dieu. Tu kuya attaché ku neno ya Mungu. Être attaché à la parole de Dieu. Paul était Nazirien. Paul alikuwa Mnazirea. Pour le Seigneur. Jua Bwana. Il s'était séparé de son église. Alikuwa mwenye kutengwa kanisa lake. L'église orthodoxe. Kanisa orthodoxe. Pour s'attacher à la parole de Dieu vivant. Il kwenye kuambatana na neno ya Mungu mwenye kwa hai. Aaron était Nazirien. Aaron ina kwa na Mnazirea, jua Bwana. Il fit séparer de ses frères. Na yeye alitengwa na watu wake. Pour porter les pierres relatives à leur naissance. Pour porter. les pierres relatives à leur naissance et pour être les souverains sacrificateurs. Dieu lui a séparé de ses frères. Continuons. J'ai quelque chose. Une question d'une séparation totale. Apa ni mambo akujitenga kabisa kabisa. Kabisa kanisa ya Kambo. L'église Kambo, séparation totale. Il est question vraiment d'une séparation totale. Nous ne devons plus rentrer dans le monde. Atuna na rusa tena kurudia mdunia. Ni rien avoir à faire avec le monde. Wala kuya na mambo mwa kufanya mdunia. Nous devons plutôt nous attacher à Dieu. Lakini tunapashi kuambatana kabisa na Mungu. Jésus vient chercher une épouse. Mungu akotafuta bibi harusi. Jésus est venu et Jésus vient. Yes, chercher une épouse. Jo akotafuta bibi harusi. Une femme. Bibi. Une église qui est séparée des choses du monde. Arus, wala kanisa yenye kutengana na dunia. Du monde. Wala mauzuri ya dunia. Et séparée des modes. Na kuachana na mamode. Des modes de cet âge moderne. Mamode ya kizazi ya kizuri. Dans lesquels nous vivons. Mwe tunaishi. Elle est séparée des soucis des traditions. Na kutengana na mangaiko ya mabisela. Ah, de l'église. Na kanisa. Elle est mise à part. Na kuwekwa pembeni. Uniquement pour Dieu. Juu tu ya Mungu. Et Dieu est la parole. Na Mungu ni neno. Kanisa ni bantu benye kutoka. L'église ce sont des hommes. Benye kutiwa pembeni. Sorti, séparé, mis à part. Ils ont une vie différente. Leur langage. Dans leur façon de marcher. Et même le langage montre la personne. Les gens découvriront et vont dire réellement c'est un chrétien. Ma soeur, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas prononcer, mais notre vie témoigne tout haut. Un enfant de Dieu, même ta famille, doit témoigner ou savoir. Elle dit, dans ça, lui ne sera jamais d'accord. Ce sont d'autres personnes. La parole de Dieu nous a appelés à nous séparer de avec ta famille. Si ta famille, tes frères, sur les dieux, acceptent de te séparer avec ta famille, et tout ça, ça va s'arrêter sur la terre. Mais la parole de Dieu t'amènera dans la vie éternelle. Même ton père, ou ta mère, mon frère, si il veut me séparer de la parole de Dieu, tu vois, j'accepterai de me séparer avec eux, mais de m'attacher avec Jésus. C'est la vérité. Il te amène au quel? Léo frère, aujourd'hui, au début de l'emploi, aujourd'hui les choses ont changé. Au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Dans les années 80, quand on avait cru, lorsqu'un homme voit un jeune garçon, une jeune fille dans la maison, on les chassait par leurs parents. Hein, vous croyez aux antichrists, à Pinga Christou? Il y avait des frères. Pourquoi Bandou? Pourquoi Namapendo? Ah, qu'ils avaient beaucoup d'amour. Ils avaient accepté de prendre ces jeunes pour la sœur. Ah, ça va lui prendre. Ce n'est pas facile. Puisque Jésus a dit que vous serez aidés de tous. Ça veut dire, Yesu alisema, batu watimchukia. Kwa ajili yangu. Voir même ton père peut taïr à cause de la parole. Si ton père sans cause, il vous haït. Dieu te bénira. Même si ton père dit, arrête avec ce message. Si toi tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir, c'est faux. La malédiction sans cause. Jahana, bila sababu. Aina na matokeo. C'est une séparation totale. Jésus est venu pour séparer les gens, le père avec les enfants, nous les enfants avec leur mère, Nachie, pour la page où tu tenga, Kabisa, Kabisa habite à Dunia. Nous devons nous séparer, voire même quitter dans les églises. Que Dieu nous vienne en aide. J'avais des responsabilités à l'église méthodiste. J'étais jeune avec peu d'années. Et j'avais cru ce message étant petit. J'ai vieilli dans le message. Mon pasteur est venu me dire ce sont des antichrist. Je lui ai dit baba pasteur, les antichrist c'est nous. Parce que nous, nous faisons des choses contraires à la parole de Dieu. Baba, qu'est-ce qu'il y a? C'est que nous faisons contrairement à la parole de Dieu. Je lui ai dit, il y a des femmes qui prêchent. C'est écrit où? Dans l'église. Il y a des dons spéciaux. Ah, il y a des concurrences. Ah, c'est les hommes qui ont gagné aux femmes, le mama qui pendano et les termes. Et je lui ai dit, la Bible est là. Montre-moi là où l'on avait dit, il y a de mama qui pendano. Baba, vous êtes séduit. Non, c'est vous qui m'avez séduit. Mais ce que je viens de croire aujourd'hui, c'est la vérité. La parole que vous avez reçue, c'est la vérité. La parole que nous croyons, c'est la vérité. Gardez la parole de Dieu. Gardons seulement cette parole. Un jour, la vérité se fera connaître. Gardons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons par ici aujourd'hui. Nous allons continuer. Dieu voulant. L'église, ce sont des hommes qui sont sortis dans des coutumes, dans toutes choses. Même dans la politique, nous ne sommes pas là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous, on ne combat même pas les politiciens. Nous ne sommes pas contre les politiciens, mais nous n'entrons pas dans la politique. Nous ne sommes pas contre les autorités, non. Ça, ça les concerne. Mais nous, nous avons notre affaire. Et un royaume inébranlable. Comme la Bible dit dans Hébreux, que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est là où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Wana Mungu amibariki. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à chimama. Nous levons. Maneno ya Mungu ni taa na nuru njema.